بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va donc commencer maintenant, inshallah, le cours numéro 74 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le charh de Kitab al-Tawhid, écrit par le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le charh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par son petit-fils Abdurrahman ibn Hassan, avec les commentaires de ce charh, c'est-à-dire les commentaires de Cheikh al-Fawzan sur ce charh. On est rendu maintenant à on continue l'explication du verset « Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan » ou bien plutôt on va commencer à expliquer ce verset là. Attendez juste un instant, vérifier. Non, c'est ça. On a expliqué au dernier cours, on a expliqué le verset 31 dans sourate At-Tawba. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Là maintenant on va passer au verset suivant. C'est le verset 165 dans sourate Al-Baqarah, dans le chapitre Tafsir at-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Donc l'explication du tawhid et de la signification du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc le verset dont on parle maintenant, c'est le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 165, qui signifie: et parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah, ou comme on devrait aimer Allah. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique donc la signification de ce verset. Il dit: Al-Andad ma'nahu al-amthal wal-nudara, kama qalahu Imad ibn Kathir, al-Imad ibn Kathir wa ghayruhu min al-mufassirin. Fa kullu man sarrafa min al-ibadati shay'an li ghayrillahi rahbatan ilayhi aw rahbatan minhu فقد اتخذه ندا لله لأنه أشرك مع الله في لأنه أشرك مع الله أي نعم لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. نعم. Donc ici le cheikh il explique que al-andad, ça signifie, alors, premièrement, le mot andad en arabe, c'est le pluriel du mot neddun. Hein? Et un neddo, ça veut dire quoi? Ça veut dire un semblable, ou quelque chose qui est semblable, ou comparable, ou égal. Donc le pluriel de nidd, c'est andad. Et donc, le synonyme, c'est amthal ou bien nudara. Et ça, c'est qu'est-ce qui a été expliqué par les savants de tafsir, comme Ibn Kathir et d'autres parmi les savants de tafsir. Ils ont expliqué cette signification-là. Donc, toute chose à laquelle on offre quoi que ce soit parmi les différentes formes d'adoration pour autre que Allah, par amour pour cette chose ou par crainte de cette chose, ça veut dire qu'on a pris cette chose-là comme un égal avec Allah, ou on en a fait un égal avec Allah. Donc, ça veut dire qu'on a fait du shirk en offrant une adoration à quelque chose avec Allah dans ce que cette chose-là ne mérite pas, puisque personne ne mérite d'être adoré et d'obtenir une forme quelconque d'adoration, ou de recevoir une forme quelconque d'adoration en dehors d'Allah. Donc ça veut dire que, de faire ça, ça équivaut à donner à Allah un égal dans l'adoration. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire aussi par rapport à cette signification-là. Donc il dit: Al-andad hum ash-shuraka wa ash-shubaha lillahi wa an-niddu huwa ash-shabihu wa an-nadhiru. اتخذوهم اندادا في ال... يعني اتخذوهم اندادا في الركوع والسجود والذبح والنذر، لا، في المحبة، يحبونهم كحب الله عز وجل. وهذا هو شرك المحبة. والمحبة أعظم أنواع العبادة، فمن أحب أحدا مثل محبة الله وخدع له وذل له كما يخضع لله ويذل لله، هذا هو الشرك الأكبر. فليس الشرك قاصرا على الذبح والنذر، بل أعظم من ذلك المحبة الذين يحبون الأصنام ويحبون عبادة القبور ويحبون عبادة الأولياء والصالحين. هؤلاء أحبوا مع الله وأشركوا بالله في نوع من أنواع، من أعظم أنواع العبادة، وهو المحبة، يحبونهم كحب الله. فدل على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات، وأن الشرك ليس قاصرا على عبادة الأصنام، وإنما هو شامل لكل من جعل له شركة مع الله بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو وثنا أو جنا أو إنسا أو ملائكة أو أنبياء أو رسلا أو أولياء أو صالحين أو غير ذلك. العبادة حق لله عز وجل، فمن أشرك فيها أحدا مع الله كائنا من كان، هذا هو الشرك. فهذا تفسير التوحيد وتفسير الشرك يؤخذ من هذه الآية. Donc ici le cheikh il explique que al-andad, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont ash-shuraka wal-shubaha lillah, c'est-à-dire de donner à Allah des partenaires ou des semblables à Allah. Et le cheikh explique que donc le singulier de, du mot andad qui est an-niddu, c'est ash-shabih wal-nadhir, c'est-à-dire le semblable ou le yani, celui qui, qu'on fait ressembler à Allah ou qu'on essaie de comparer à Allah. Donc, ils les prennent comme des égaux, comme des semblables à Allah. Et est-ce qu'ils les prennent comme des égaux dans le fait de se prosterner ou de s'incliner ou de sacrifier ou de faire des vœux, hein? Il dit le cheikh non. Ils les prennent comme égaux dans le fait de les aimer, comme on devrait aimer Allah seulement. Et donc le cheikh, il dit, ils les aiment comme on aime Allah. Et ça, c'est la forme de shirk qu'on appelle le shirk de l'amour. Donc quelqu'un peut faire le shirk dans plusieurs différentes formes d'adoration. Quelqu'un peut faire le shirk dans la crainte qu'il a. Quelqu'un peut faire le shirk dans l'amour. Quelqu'un peut faire le shirk dans l'obéissance. Quelqu'un peut faire le shirk dans le tawakkul. Quelqu'un peut faire le shirk dans yani, beaucoup d'autres différentes formes et différents aspects d'adoration. Dans le dua, dans le sujoud, dans le recours, hein, dans yani, différentes formes d'adoration. Si tu les offres à autre qu'à Allah, ça devient du shirk. Mais eux, ils font le shirk, hein, comme Allah, ceux que Allah a décrit ici, il dit, ils font le shirk avec Allah dans l'amour, hein, parce qu'ils aiment leurs idoles, ou ils aiment ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, comme on devrait uniquement aimer Allah. Et ça, c'est le shirk de l'amour. Et l'amour, c'est une des plus grandes formes d'adoration que quelqu'un peut offrir à Allah. Donc, quiconque a aimé quelqu'un ou quelque chose de la même manière qu'on aime Allah, c'est-à-dire avec soumission, avec humilité, hein, et qu'il se soumet et qu'il s'humilie et qu'il craint, hein, en dehors d'Allah, alors ça correspond à une forme de shirk majeur. Et donc, le shirk, ce n'est pas seulement limité à faire des sacrifices ou à faire des vœux, hein, parce qu'il y a des gens qui vont s'imaginer, par exemple, que si quelqu'un a sacrifié un animal à une idole, ça c'est de l'adoration. Si quelqu'un fait un vœu pieux, c'est de l'adoration. Mais il ne va pas s'imaginer ou penser que le fait d'aimer, que ça rentre dans l'adoration aussi, ou que ça rentre dans le shirk. Mais oui, ça rentre dans le shirk aussi. Donc c'est pour ça que le cheikh, il explique que quiconque a aimé quelqu'un ou quelque chose de la même manière qu'on aime Allah, avec soumission, avec humilité, avec crainte et ainsi de suite, alors ça rentre dans le shirk majeur, et donc c'est pas limité à faire le shirk, c'est pas seulement de faire le sacrifice ou yani un vœu pieux ou ainsi de suite, mais plus grand encore que ces formes d'adoration-là, c'est le fait d'aimer ces idoles ou d'aimer ce qu'ils adorent, hein, comme les tombes, ou bien les awliya, ou bien les hommes pieux, hein, les salihin. Ils les aiment avec Allah. Hein, ils les aiment avec Allah et ils font le shirk yani avec Allah subhanahu wa ta'ala, en offrant yani à ces créature, yani la plus grande de toutes les formes d'adoration qui est l'amour. Parce qu'ils aiment yani ces idoles, ils aiment ces statues, ou ils aiment les tombes, les hommes pieux, les saints, hein, les salihin, comme on aime Allah. Et donc ils font le shirk de cette façon-là. Et donc Allah il dit yuhibbunahum kahubbillah. C'est-à-dire il les aime comme on aime Allah. Et ça c'est la preuve que le tawhid ça comprend toutes les différentes formes d'adoration et que le shirk c'est pas seulement d'adorer les idoles, mais ça comprend l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Toute chose qu'on a à laquelle ou toute personne à laquelle on a offert une forme d'adoration. Hein? En dehors d'Allah, alors ça représente une forme de shirk. Et ça veut dire que quelqu'un a placé cette personne, ou cette chose, ou cet objet, il l'a placé comme un genre de, yani, de partenaire avec Allah dans l'adoration. C'est-à-dire, peu importe la sorte d'adoration que la personne a offerte. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire que ce soit yani une forme quelconque d'adoration, par exemple la prosternation. Hein? Peut-être que quelqu'un il va pas se prosterner devant une créature ou devant hein, une chose quelconque pour que il montre qu'il est en train de l'adorer. Mais dans son cœur, il la vénère et il l'aime comme on aime Allah. Donc ça, c'est du shirk. Peu importe que la chose qu'il vénère ou la personne qu'il vénère, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Attends juste un instant. Ça peut être une pierre, ça peut être un arbre, ça peut être une idole, ça peut être un objet quelconque, ça peut être un djinn, ça peut être un être humain, ça peut être un ange, ça peut être un prophète, ça peut être un messager, ça peut être un homme pieux ou une femme pieuse, un salih, hein, un homme pieux, une femme pieuse. Quelqu'un qui faisait du bien ou des choses de ce genre. Tout ça, si tu as adoré ces choses-là en offrant à l'une de ces créatures une forme quelconque d'adoration, alors tu as commis du shirk parce que l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. Et donc, si tu as associé quiconque ou quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration, peu importe qu'est-ce que ça peut être, peu importe qui ça peut être, alors, dans ce cas-là, c'est ça le shirk. Et c'est ça l'explication donc du tawhid et l'interprétation du shirk. C'est de ce verset-là qu'on peut le comprendre encore mieux. Naam. Donc, tu voulais. Aouzoubillah. Ça, c'est qui disait ça? Les mourides. C'est les mourides. Non, dis-moi le nom. Dis-moi, c'est qui? C'est quoi son nom? Ah. Quand tu le sauras, tu me diras. Non, je veux savoir le nom, parce que moi j'aime ça être précis. Donc, si tu sauras, quand tu vas savoir son nom, tu me diras son nom. On va mentionner l'affaire. Non. J'aime pas dire les choses à peu près. J'aime ça dire les choses exactes. Et en même temps, j'aime ça que les choses soient claires. Comme ça, Inch'Allah, si quelqu'un nous dit, oh, mais t'as dit telle chose, t'as dit telle chose, c'est quoi la preuve? Après, moi, je suis capable de leur montrer, leur dire, voici la preuve, voici ce que vous avez, hein, ce que votre cheikh, il a dit. Et après, ils peuvent pas nier parce que la chose, elle est claire. Les preuves sont claires. Non. Donc c'est ça ici. Parmi les soufis, hein, comme tu dis, il y en a souvent. Attends, il y a quelqu'un qui dit que. Ouais, c'est ça. Non, non, non, c'est pas ça. Parmi les soufis, il y en a qui font ce genre de commentaires là. Sering, Muntaka, Muntaka, Mbake. Bon, moi je le connais pas, mais la plupart d'entre eux je les connais pas non plus. Non, c'est exactement comme tu dis. C'est que qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer par rapport au tawhid et les exemples qu'on mentionne par rapport au shirk, il y a certaines personnes, et surtout moi je me rappelle quand je me suis converti à l'islam au tout début, je lisais ces exemples-là. Et je pensais que ça parlait d'exemples, de choses qui s'étaient passées dans les siècles passés et que ces choses-là maintenant sont finies. Je ne pensais pas que des gens pouvaient faire ça aujourd'hui à notre époque. Mais par la suite, j'ai rencontré des gens, j'ai connu des gens et j'ai constaté que ces gens-là avaient exactement les croyances que les savants et les gens de la Sunna étaient en train de combattre. Était en train de clarifier, était en train d'expliquer pour faire comprendre aux gens qu'il y a certains musulmans qui pratiquent le shirk aujourd'hui dans les pays musulmans. Et j'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose qui était dans le passé seulement, mais c'est quelque chose qui était vivant, qui existe à notre époque et qui continue jusqu'à maintenant. Et que ce sont des choses qui sont propagées dans les pays musulmans et même parfois même dans les pays non musulmans aussi, au nom de l'islam. Donc, c'est pour cette raison-là que ne pensez pas que qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est des choses inutiles ou que c'est des choses du passé ou que c'est des choses qui ne sont pas d'actualité. Non, ces choses-là se passent aujourd'hui et les gens, ils pensent, ils ont ces idées-là. Encore aujourd'hui, ils pensent ça, ils croient en ça, ils sont convaincus de ces choses-là et ils propagent ces idées-là. Donc celui dont tu parles là, Muntaka Mbakei et d'autres également parmi les. Ça c'est au Sénégal, mais il y en a dans d'autres pays. C'est pas, il faut pas penser que c'est seulement au Sénégal. Il faut pas penser que c'est seulement au Maroc. Il faut pas penser que c'est seulement dans un pays ou un autre pays. Il y en a dans tous les pays musulmans des choses comme ça. Il y en a en Sénégal. Il y en a en Mauritanie. Il y en a au Maroc. Il y en a en Algérie, il y en a en Tunisie, il y en a en Libye, il y en a en Égypte, il y en a plein en Égypte. Hein? C'est un des centres dans le monde entier pour les bid'a, le shirk et le tasawuf. Tu les trouves beaucoup en Égypte, en Syrie, au Liban, en Jordanie. Tu vas en trouver en Turquie, tu vas en trouver en Iran, en Irak, au Pakistan, en Inde. Tu vas en trouver en Indonésie. Tu vas en trouver en Malaisie, tu vas en trouver dans presque tous les pays musulmans, il y a des exemples de ce genre de pratique, de ce genre de croyance. C'est partout. D'accord? Et des fois, on cite des exemples de certains qui font des choses qui se manifestent ou qui se trouvent dans certains pays. On mentionne ces choses-là comme exemples. Mais il ne faut pas penser que c'est uniquement dans ces pays-là qu'on retrouve ces exemples-là. Ces exemples-là sont partis, sont partout. Même que parfois, tu vas trouver qu'on va spécifier une tariqa parmi les turuq. Comme là, maintenant, l'exemple du frère qui a dit que il a dit que si il va aller arriver au jour de la résurrection, puis que Allah subhanahu wa ta'ala lui montre le paradis, il a dit si mon cher, il a dit si il n'a pas l'agrément de son cher, il va dire non, je ne veux pas rentrer. Donc, ce genre de propos, hein, on les retrouve régulièrement chez les soufis. Hein. Il dit souvent des paroles d'égarement comme ça. Hein? Et tout ça pour dire que si on spécifie une tariqa, il ne faut pas imaginer ou penser que les autres turuq sont correctes. Parce que des fois, il y en a comme ça. Si tu critiques les Tijaniyah, les autres turuq disent « Ah, nous, on n'est pas comme ça. » Mais si tu critiques les Mourides, ils disent « Ah, nous, on n'est pas comme ça. » Si tu critiques les Naqshbandiyah, ils vont dire « Ah, nous, on n'est pas comme ça. » Si tu critiques les Shaziliyah, ils vont dire « On n'est pas comme ça. » Si tu critiques les Rifa'iyah, la même chose. Les Jistiyah, la même chose. Les Boutchichiyah, les Qadiriyah, la même chose. Toutes ces différentes turuq, elles se jettent la balle. Et quand tu critiques une, les autres pensent qu'ils sont exemptés de la critique. Elles sont toutes dans l'égarement. Toutes ces différentes voies d'égarement sont toutes des groupes de bid'a. Toutes ces turuq sont toutes des turuq de bid'a et d'égarement. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith des 73 sectes, « Kulluha finnar illa wahida ». Elles sont toutes en enfer excepté une. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, « Man hiya ya Rasulullah ?» C'est laquelle, au messager d'Allah? Il a dit, « Man kana ala mithli ma ana alayhi liyom » ou ashabi, celle qui est sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, celui qui veut être sur la guidance et sur la voie qui mène au paradis et qui protège de l'enfer, il doit s'accrocher au Coran, il doit s'accrocher à la Sunna et s'accrocher à l'exemple des Sahaba et à leur méthodologie et comment ils ont compris le Coran et la Sunna. Et non pas comment les soufis et les autres sectes qui sont apparues des siècles après, qui ont inventé des choses qui n'existaient même pas à l'époque des Sahaba et qui aujourd'hui prétendent représenter l'islam, alors qu'ils n'ont rien à voir. Hein? Donc ça, c'est très important. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit « وَقَالَ l'imam ibn al-Qayyim al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah » فتوحيد المحبوب لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له فتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية أو بقية حب حتى يبذلها له فتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله وإن كانت لغير الله فهي منقصة فهي منقصة لمحبة الله ومضعفة لها وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان قد لا فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc on va expliquer jusqu'ici inshallah, après on va traduire. Il reste un petit morceau encore. Attends, je vais finir la citation au complet. Après, comme ça, on va commencer la traduction. Il dit le cheikh ensuite: والصحيح أن معنى الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى كلامه. وقوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Ok. Donc ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a clarifié une parole, ou il a cité une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Et cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, na'am, ça parle de le tawhid de l'amour. Hein, le tawhid dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce que ça signifie pour le musulman. Et donc, juste pour, avant de commencer à traduire cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim, il est important de comprendre que dans l'islam, tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. D'accord? Et tout ce que tu aimes en dehors d'Allah, tu dois l'aimer pour Allah, sinon tu ne dois pas l'aimer. Il n'y a rien qui mérite d'être aimé en soi, en dehors d'Allah. Le seul qui mérite d'être aimé pour lui-même, c'est Allah seulement. Et toute chose ou personne que tu vas aimer en dehors d'Allah, tu dois l'aimer pour Allah. Même la nourriture, même toutes les choses qui existent en dehors d'Allah, tu ne peux pas l'aimer pour elle-même, mais tu dois l'aimer pour Allah seulement. Et comme par exemple tu dis la nourriture, c'est qui est-ce qui te l'a donné? C'est Allah. Hein? Donc, tu vas aimer celui qui te l'a donné, plus que tu vas l'aimer elle. Hein? C'est logique. Non, toi tu mélanges. Là tu parles d'un autre sujet, tu parles de al-wala wal bara. Et c'est sûr que ça rentre dans le sujet, mais ici on parle pas de al-bara ou al-bourd. On parle pas le fait de détester. On parle le fait d'aimer. Hein? Et même tes parents qui sont musulmans, tu n'as pas le droit de les aimer pour eux-mêmes. Tu dois uniquement les aimer pour Allah, si tu les aimes. Donc toi tu étais en train de parler du fait de détester une personne pour sa mécréance ou son kufr. Alors que on n'est pas en train de parler de ça maintenant. On est en train de parler de l'amour d'une personne. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de l'aimer pour lui-même. Si tu aimes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois uniquement l'aimer pour Allah. Le seul que tu peux aimer pour lui-même, c'est Allah seul. D'accord? Donc c'est pour ça que les ulama ils disent « Ya al-hubbu fillah, wal-hubbu lillah, wal-hubbu ma'allah ». c'est-à-dire d'aimer en Allah et d'aimer pour Allah et d'aimer avec Allah. Et d'aimer avec Allah, c'est le shirk. C'est du shirk. Parce que tu n'as pas le droit d'aimer personne avec Allah. Tout ce qui existe en dehors d'Allah, tu peux seulement l'aimer pour lui ou en lui. C'est-à-dire en qu'est-ce qui amène son agrément et qu'est-ce que Allah aime. Mais en dehors de ça, tu n'as pas le droit de l'aimer. Et si tu l'aimes avec Allah, alors là, tu l'as établi comme un associé ou un partenaire avec Allah. Et donc, ça devient du shirk. Donc, c'est ça que l'imam Ibn al-Qayyim est en train d'expliquer de façon plus détaillée. Et moi, je te le donne de façon plus résumée pour que ce soit plus clair. Mais sinon, on va traduire cet exemple de qu'est-ce qu'il mentionne dans cette citation. Parce que l'imam Ibn al-Qayyim, il utilise un langage qui est très... l'imam Ibn al-Qayyim, il a une façon de résumer des principes et des idées avec peu de mots. Il utilise peu de mots pour dire des grandes choses. C'est pour cette raison-là que des fois, quand tu vas traduire les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, ça peut sembler court, qu'est-ce qu'il a dit, mais quand tu vas extraire toutes les significations qui sont présentes dans la parole qu'il a mentionnée, eh bien, tu vas en sortir des explications qui sont parfois très, très profondes, très, très longues. D'accord? Donc, on va essayer, Inch'Allah, de faire en sorte de clarifier ou de simplifier cette citation-là le plus clairement possible, bi'idhnillah. Donc, il dit, فَتَوْحِدُ الْمَحْبُوبُ أَنْ لَا يَتَعَدَّدْ مَحْبُوبَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le tawhid de celui que tu aimes, le fait d'unifier celui que tu aimes, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ça veut dire que tu dois faire en sorte que il ne doit pas y avoir une multiplicité de choses ou d'êtres aimés. Celui que tu aimes doit être unique, c'est-à-dire Allah. C'est lui seul que tu dois aimer. Tu ne dois pas aimer avec lui d'autres choses. D'accord? C'est ça l'unification de l'être que tu aimes, c'est-à-dire Allah. C'est-à-dire, hey, ma'allahi bi'ibadatihi. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir d'autres choses que tu aimes avec Allah dans ton adoration. Tu dois seulement aimer Allah seul. Et il dit donc, tawhid al-hub, le fait de l'unification d'Allah dans l'amour, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester dans ton cœur de l'amour pour autre chose que pour Allah. Hein? Donc il dit, fahad al-hub, donc cet amour-là, il dit, wa in summiya ishqan, parce que les soufis, ils utilisent le terme ishq pour parler de l'amour d'Allah. Sauf que le terme ishq, comme Ibn Taymiyyah l'a expliqué dans Al-Ubudiyya, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là pour définir notre amour d'Allah, parce que l'ishq, c'est l'amour passionnel entre un homme et une femme. Et donc, d'utiliser cette expression de ishq pour parler de l'amour d'Allah, c'est inapproprié, hein? C'est déplacé. Donc, si il dit le cheikh, si certains l'appellent ishq, alors c'est rayatu salah al-abd. C'est-à-dire que c'est l'objet de son salut, l'objet de sa piété ou de son bien, de son délice et du plaisir de ses yeux. C'est-à-dire c'est ce qu'il a, c'est à quoi il essaie d'aspirer. Il essaie d'aspirer à cet amour d'Allah, hein, et à aimer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et il dit وَلَيْسَ لِقَلْبِهِ صَلَاحٌ وَلَا نَعِيمٌ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. C'est-à-dire que le serviteur, il ne va pas avoir de bien ou de délice dans son cœur, autre que du fait que Allah et son messager seront plus aimés pour lui que toute autre chose. Et il dit وَأَن تَكُونَ مَحَبَّتُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ تابعة لله. Ça veut dire que tout ce qu'il va aimer en dehors d'Allah, ce sera dans ce qui est en accord avec l'amour d'Allah et ce qui suit l'amour d'Allah. Donc il dit « Fala yuhibbu illa lillah ». C'est-à-dire qu'il ne va pas aimer quoi que ce soit d'autre que Allah, excepté pour Allah. Et est-ce que tu peux aimer quelque chose qui est haram pour Allah? Non. Ce que tu peux aimer pour Allah, c'est uniquement qu'est-ce que Allah aime. Tu ne peux pas aimer pour Allah ce que Allah n'aime pas. Hein? Donc ça implique que tu dois uniquement aimer ce qui est bon. Et si dans ton cœur, il y a de l'amour pour quelque chose qui n'est pas bon, ça veut dire que là, il y a un problème dans ton amour pour Allah. Hein? Ton amour pour Allah, il n'est pas pur. Il y a des problèmes dedans. Donc le cheikh, il explique qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Thalathun man kulna fihi. Thalathun man kulna fihi. » Et il n'a pas cité le hadith au complet. Il a juste dit ce début du hadith. Pourquoi? Parce que il sait que les gens savent ce hadith-là parce qu'il est célèbre. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois choses que si elles sont présentes chez quelqu'un, il va goûter la douceur de la foi. Hein? C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'il va aimer Allah et son messager plus que toute autre chose au monde. Ça, c'est la première chose pour que quelqu'un arrive à ce degré de la foi dans lequel il goûte à la douceur de la foi. Et il dit, le cheikh, il dit, et l'amour du messager, mahabbatu rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam, hiya min mahabbatihi. Il dit, l'amour du messager, ça fait partie d'aimer Allah. Pourquoi? Parce que le messager, tu l'aimes pourquoi? Tu l'aimes parce qu'il est le messager d'Allah. Tu l'aimes parce qu'il a transmis la religion d'Allah. Tu l'aimes parce qu'il a défendu la religion d'Allah. Hein? Parce qu'il a montrer la religion aux hommes. Donc il dit wa mahabbatul mar in kanat lillahi fa hiya min mahabbatillah. Donc si tu aimes pour Allah quelque chose en dehors d'Allah, hein, eh bien ça fait partie d'aimer Allah. Hein? Ça veut dire que par exemple si moi j'aime le messager d'Allah et je l'aime parce que il a défendu la religion d'Allah ou parce qu'il a propagé la religion d'Allah et parce que c'est l'envoyé d'Allah. Donc ça fait partie d'aimer Allah. Hein? Parce que Allah, il nous ordonne de l'aimer. Donc si je l'aime par respect pour ce qu'il a fait pour Allah et par rapport au fait qu'Allah m'a ordonné de l'aimer, alors dans ce cas-là, son amour, l'amour de ce messager, fait partie de l'amour d'Allah. Et en même temps, si j'aime les musulmans, si j'aime les croyants, eh bien l'amour que j'ai pour les croyants, ça rentre dans l'amour d'Allah aussi. Parce que Allah m'ordonne d'aimer les croyants. Et pourquoi je les aime, les croyants? Parce qu'ils font le bien, parce qu'ils ordonnent le bien, parce qu'ils obéissent à Allah. Donc moi je les aime pour ça. Donc je les aime pour Allah, donc ça rentre dans l'amour d'Allah. Et il dit, « Wa in kanat li ghayrillah, fa hiya munqisatun li mahabbatillah. » Et si il dit, et si j'aime quelque chose en dehors d'Allah pour autre que Allah, alors ça veut dire que ça fait diminuer mon amour d'Allah et ça affaiblit mon amour d'Allah. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un qui est musulman, il aime quelque chose que Allah n'aime pas, hein, parmi les péchés, ou il aime quelqu'un ou quelque chose, mais pas pour Allah, alors, dans ce cas-là, ça veut dire que ça fait baisser sa foi, ça fait baisser son amour d'Allah et ça affaiblit son amour d'Allah. Parce que c'est comme si cet amour, elle vient en compétition avec l'amour d'Allah. Si tu aimes quelque chose en dehors d'Allah, hein, eh bien cet amour pour cette chose, elle va venir compétitionner, hein, et essayer d'écarter l'amour d'Allah dans ton cœur. D'accord? Donc, comment je pourrais donner un exemple pour ça? Si quelqu'un, supposons quelqu'un qui aime quelque chose, avec Allah. Et cette chose-là, il a l'amour de cette chose dans son cœur, elle commence à le faire détourner de ses devoirs et de ses obligations envers Allah. Donc, à cause de l'amour qu'il a pour cette chose, il va commencer à négliger sa salat. Il va commencer à négliger ses obligations religieuses. Pourquoi? Parce qu'il a donné précédence à ces choses-là, où il a aimé ces choses-là avec Allah. Tout amour qui te fait détourner de l'application de ce que Allah aime, alors ça veut dire que ça fait baisser ton amour d'Allah. Hein? C'est comme si, ton amour, s'il n'est pas complètement pour Allah, s'il y a une partie pour Allah puis une partie pour quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, et que cette autre chose, ce n'est pas quelque chose que tu aimes pour Allah, c'est quelque chose que tu aimes par tes passions, tes désirs, ou bien pour autre raison, parmi les raisons de la dunya, ça va venir prendre la place de ton amour pour Allah. Et ça va devenir une fitna pour toi. Et ça risque de t'éloigner de l'amour d'Allah. Ça devient comme un égal que tu prends avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc il dit le cheikh, وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. Dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a trois choses que si quelqu'un les possède, il va goûter à la douceur de la foi. La deuxième chose qu'il dit, après avoir mentionné le fait que Allah et son messager doivent être plus aimés de lui que tout ce qui existe au monde. La deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il détesterait retourner à la mécréance plus que d'être jeté dans le feu. Hein? Être jeté dans le feu, c'est mieux pour lui que de retourner à la mécréance. Donc le cheikh, il dit ici que lorsque quelqu'un, son amour, elle est véridique envers Allah, ça veut dire qu'il va détester tout ce que celui qu'il aime déteste. C'est-à-dire, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le kufr. Et c'est la chose qu'il déteste le plus avec le shirk. Donc toi, tu vas détester ce coffre au point que tu vas préférer, yani, tu vas préférer donner ce qu'il y a de plus précieux pour toi pour pouvoir t'en écarter. Et c'est quoi qu'il y a de plus précieux? Le cheikh dit, la chose que l'être humain préfère et aime le plus dans cette vie, c'est l'amour de sa propre personne et de sa vie. Hein? Et s'il arrive au point où il va donner précédence à l'amour d'Allah sur l'amour qu'il a de sa propre personne ou de sa propre vie, plutôt que de tomber dans la mécréance, si on lui donnait le choix entre la mécréance et être jeté dans le feu, il choisirait être jeté dans le feu plutôt que la mécréance. Alors ça prouve que son amour d'Allah est plus grand que son amour pour sa propre personne. Hein? Donc ça veut dire que c'est ce que les vrais mu'minines, les grands croyants, ressentent comme foi envers Allah subhanahu wa ta'ala et comme amour pour Allah. Il n'y a pas d'amour comparable pour eux que leur amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cet amour-là implique de donner précédence à Allah sur toute autre chose. Tu vas aimer Allah plus que ta propre personne, plus que tes biens, plus que tes enfants. Hein? Pourquoi? Parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a tout donné et qui a créé tout ce qui existe. Et c'est lui le Tout-Puissant et c'est lui le Maître absolu de toutes choses. Donc il mérite d'être aimé plus que toute autre chose. Si tu as une vie, c'est lui qui te l'a donnée. Si tu as des biens, c'est lui qui te les a donnés. Si tu as des enfants, c'est lui qui te les a donnés. Donc, est-ce que c'est pas, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas lui qui mérite d'être plus aimé que toute autre chose? Bien sûr. Hein? Et donc, c'est pour ça que tu dois aimer Allah plus que tout. Et donc, celui qui a goûté à la douceur de la foi, il va, yani, préférer être jeté dans le feu que de renoncer à la foi. Hein? Que de renoncer à la foi ou que d'accepter le kufr. Après, le cheikh, il dit « وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم. » Il dit « Et cet amour-là, elle implique également la soumission totale et complète, l'humilité absolue et complète et la vénération et le respect total et complet. » والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. De même que la vénération, l'obéissance et la soumission totale, apparente et cachée. Voilà ce qu'implique cet amour-là. Il dit وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. Et il dit il peut pas y avoir d'amour comparable. Hein, envers une créature, peu importe qu'est-ce que cette créature-là peut être. Peu importe l'amour que tu as pour une créature, elle ne pourra jamais atteindre ce degré-là. Peu importe qui est cette créature. Il dit, وَلِهَذَا مَنْ أَشْرَكَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْمَحَبَّةِ الْخَاصَّةِ كَانَ مُشْرِكًا شِرْكًا لَا يَغْفِرُهُ. Il dit, c'est pour cette raison-là que quiconque a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un ou quelque chose dans l'amour spécifique qu'il a, eh bien, ça veut dire qu'il a fait un shirk, hein, qu'il est devenu mushrik et qu'il a fait un shirk que Allah ne pardonnera pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 165 dans Surat al-Baqarah, parmi les hommes, hein, qui signifie, et parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux avec Allah, ou des égaux en dehors d'Allah. Et il les aime comme on aime Allah. Tandis que ceux qui ont cru, hein, ils sont plus forts dans leur amour pour Allah. Ceux qui ont cru, ceux qui sont sur le tawhid, ceux qui sont vraiment des croyants, ils sont plus forts que les mushrikines dans leur amour pour Allah. C'est-à-dire, ils aiment Allah plus que les mushrikines aiment leurs idoles. Il y a plusieurs explications de ce verset-là. Et ici, le cheikh Ibn al-Qayyim dit que l'interprétation correcte de ce verset-là, c'est que ceux qui ont cru sont plus forts dans leur amour pour Allah ou dans leur amour d'Allah que les gens qui ont pris des égaux envers les égaux qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'ils ont attribués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour des croyants, il est incomparable à l'amour des mushrikines. Et une des raisons de ça, souvent, c'est que les mushrikines, quand ils ont pris des égaux avec Allah, ils les prennent pour des intérêts, pour avoir quelque chose en retour. Et c'est pas pour parce qu'ils aiment ces créatures-là pour elles-mêmes, mais c'est pour le bien qu'ils en retirent. Hein? Donc c'est un amour intéressé. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour que tu as pour lui, c'est l'amour d'une créature envers son créateur. Il ne peut pas y avoir d'amour qui peut être comparable à cet amour-là. Et peu importe qu'est-ce que tu peux avoir comme amour pour une créature quelconque, eh bien, elle ne pourra jamais atteindre ce degré ou cette signification. Hein? C'est impossible. C'est impossible. Et donc, il dit, le cheikh, donc, il dit, كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا. Donc, peu importe, réfléchis bien en toi-même et regarde dans ton cœur et réfléchis comme il faut. dans tout ce qui existe dans cette dunya. Dans tout ce qui existe dans cette dunya, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes avec Allah? Si oui, pose-toi la question, est-ce que cette chose-là mérite d'être aimée avec Allah? Et si tu es sincère envers toi-même, tu vas arriver à la conclusion qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Elle ne mérite pas d'être placée devant Allah subhanahu wa ta'ala dans son amour. Peu importe, qu'est-ce que ça peut être? Une passion, un désir, hein? Quelque chose que tu aimes. Et regarde, où est-ce que tu en es par rapport à cette chose que tu aimes en dehors d'Allah? Ou avec Allah, et l'effet que cet amour-là, qui est illicite, peut avoir sur tes adorations. Et regarde justement, si tu lui as donné cette place-là dans ton cœur, comment elle t'éloigne d'Allah, cet amour. Et que tu réalises en toi-même qu'il n'y a rien qui va pouvoir te ramener à la pureté dans l'amour d'Allah que de te débarrasser de cet amour. Hein? Et on a vu même l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a été testé par Allah, on lui a demandé, est-ce qu'il va donner son propre fils en sacrifice? Alors qu'il l'a eu alors qu'il était vieux, il n'espérait même plus avoir d'enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par ça, pour voir si elle allait le faire. Est-ce qu'il allait mettre son amour, hein, de son enfant au-dessus de son amour d'Allah? Et il a passé le test. Il a passé le test, parce qu'il allait le faire. Mais lui, c'est un prophète, c'est un messager. Allah lui a ordonné de le faire, et il allait le faire. Et au moment où Allah a vu sa sincérité, tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a arrêté et il lui a donné un remplacement, une alternative. Et il a égorgé le mouton à la place. Un âme. Ça, c'est le test. Donc, si quelqu'un il peut dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux aimer plus que ton enfant? Hein? Au point que tu vas dire, non, j'aime mon enfant, mais je ne l'aime pas plus, ou je ne l'aime pas avec Allah. Je l'aime pour Allah. Je dois l'aimer pour Allah. Je ne dois pas mettre l'amour de cet enfant-là au-dessus de l'amour d'Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, yani, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum. Il y a dans vos épouses et dans vos enfants, un ennemi pour vous. Alors, prenez-en garde. Dans quel sens? Dans le sens où il risque peut-être parfois de vous éloigner d'Allah et de l'obéissance à Allah. Ou bien quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont une épreuve pour vous, sont un test pour vous. Wallahu indahu ajrun azim. Donc, tout ça, c'est pour dire, hein, des fois, j'entendais par exemple certaines personnes parmi les gens qui disent qu'ils sont. Il y a des gens qui disent par exemple, nous on est homosexuels. Et par conséquent, c'est l'amour, hein, qui nous pousse à faire ça, à faire ce péché-là et à désobéir à Allah, de chercher d'assouvir nos désirs avec des personnes du même sexe que nous, alors que c'est quelque chose que Allah a interdit. Si quelqu'un il a cette fitna, cette épreuve, cette tentation dans son cœur, et que ça devient pour lui une passion ou un désir qui prend le dessus sur sa raison, qu'est-ce qu'il fait? S'il est mu'min, s'il est croyant, il va se poser la question à lui-même. Est-ce que j'aime Allah plus ou ma passion? Et s'il est vraiment mu'min, il va donner précédence à l'amour d'Allah et à son obéissance, et il va rejeter cet amour qu'il a dans son cœur pour cette passion qui l'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la même chose pour n'importe quelle autre tentation ou n'importe quelle autre fitna. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite, bi'idhnillah, au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.